témoignage, il y a maman Bitulix. Baron Bachoé, venga champagne na doudou, obenga va petit fils ya mama Bitulix na yavo. Toko tambola karanga, na malade na zoto, toko lia toko mela, eko eba senzame, bali na to samelaka, konga ma monene senzame, toya bikisi na ye, omona ye Yesu. Mama Pierrette Bemba, na papa Loïc Atanga, mama Pesibino, merci. Eko ela yoe, oko eba te o tendai, pasi ya mokili, eko komela yoroko la sida, o eko mela kingaye, kema na kile nina bogwa, na yo kizoto mama lili, na kanisa kie koleka, na melika mwa bakisi, mwa esu la jena basi. Mama José Chibola, merci mingi mama, on a soutien à yo. Toko tambola karanga, na malange na zoto, toko lia toko mela, eko eba senzame, malinga to samelaka. Bacho, l'icône à famille, pour les malos sans beauté, hein. Collez la ya famille, n'a me paye au kilo sambo. Bacho, doudou na champagne, dans mon peu balé milo sans beauté. Bouba Bacho Jordan, Zamba Okilo Sam mon ami non hein. Et comment que bisonanjili, maman te singa la vionga na katia koma. Nazela y Afrique du Sud, Bacho a kolila, ton komine koka wana. Christian Rebecca, Perla Noela, Boyoka témoignage ya koko na bino hein. Bitulix. Annette, Anaïs, Véronique, Bolembalo sans beauté, hein? Bitulix. Obikisima Yesu, moula mobima na meto à l'hôpital. Na koma ki lokola bébé, bakomine kolesa na bakomine kosu kolamba. Popol, Niki, Papi Junior, Bolembalo sans beauté, hein? Zambé à Salaka. Tenda ya kopepa loboko, losa mona monoko. Michi yoko bika, michi sante kozonga. Olivia, Kubi na Jose, Osimba na makasi, eh? Losambo de losambo. Olela ya famiye, zame pea yoki losambo. Macho dudu na champagne, bango peba limi losambo te. Gabi, Jeje, na Fancheta, aussi madame Kassi na Rosambo, hein. Et comment qui bissa la djili, maman te singa la vionga na katia koma. Na zela y Afrique du Sud, pas Bacho akolela tongo mine koka mwana. Fami Bacho mobimba, papa pe mama, bana pe bakoko, tokumisa yawe. Tokumisa yawe, asani. Zambe o Yesu, zambe ya mikamo, zambe ya mawa. Na pesa yoko nini, yoka temwanyashe ya bichilikse. Papa tendai kasupata. Merci pour la losambo, sanguisi na famille Bacho. Merci papa. Famille qui s'y va, Yesu, moula mobima na metto à l'hôpital. Sa koma ki lokola bébé, ma komine kole sana, ma komine kosu komanga. Bichi yoko bika, bichi sante kosonga.